الحمد لله رب العالمين ملء السماوات والأرض une louange qui remplit les cieux et la terre وملء ما بينهما et qui remplit l'espace qui se trouve entre les cieux et la terre وملء ما شاء من أي شيء بعد et après la contenance de tout ce qu'il veut par la suite. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. Et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu, tuteur des vertueux. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, le prophète de Dieu, prière et salut sur lui, dit: ما من أيام أعظم عند الله. Il n'y a pas des jours plus grands auprès de Dieu, ou plus importants, ou qui ont une grande valeur auprès de Dieu. وَلَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ الْعَمَلِ فِيهِنَّ مِنْ أَيَّامِ الْعَشْرِ et dans lesquels, ça veut dire ces jours, la bonne action est bien aimée pour Dieu, subhanahu wa ta'ala, plus que ces 10 jours, ça veut dire les jours du pèlerinage, ou le mois du pèlerinage. مِنْ أَيَّامِ الْعَشْرِ يعني الْعَشْرِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ هَذِهِ الْأَيَّامِ يقول النبي صلى الله عليه وسلم le prophète prière et sur lui poursuit فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّسْبِيحِ donc faites pendant ces jours beaucoup de tasbih, ça veut dire le fait de dire subhanallah, gloire et pureté à Dieu, tasbih ou أن تقول subhanallah والتحميد et le fait de dire aussi la louange est à Dieu يعني alhamdulillah والتهليل et le fait de dire il n'y a aucune divinité à part Allah la ilaha illallah والتكبير et le fait aussi de dire Allahu Akbar Dieu est très grand donc il faut dire sans cesse ces formules ces 4 formules رواه الطبراني بإسناد جيد rapporté par l'imam الطبراني et qui a dit que ce hadith est authentique. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه أنس fils de Malik que Dieu soit satisfait de lui dit كان يقال في أيام العشر on se disait à propos des 10 jours du pèlerinage les 10 premiers jours du mois de pèlerinage بكل يوم ألف يوم chaque jour compte 1000 jours ويوم عرفة عشرة آلاف يوم et le jour de Arafa, le 9e de ce mois de pèlerinage, compte 10 000 jours. قال يعني في الفضل, ceci signifie dans le salaire auprès de Dieu ou la récompense auprès de Dieu. رواه البيهقي وقال لا بأس به في الإسناد, rapporté par l'imam البيهقي. بمعنى من تصدق صدقة في هذه الأيام هي بألف صدقة عند الله. Ça veut dire celui qui donne une aumône pendant ses jours auprès de Dieu, il a donné 1000 aumônes. ومن صام يوما صام ألف يوم عند الله. Celui qui jeûne un jour pendant ses 10 jours auprès de Dieu, c'est comme s'il a jeûné 1000 jours. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله الصادق الأمين. Et j'atteste que notre maître et bien-aimé Muhammad est l'envoyé de Dieu sincère et véridique. قال صلى الله عليه وسلم, il dit prière et salut sur lui. إن سبحان الله. Il dit que le fait de dire سبحان الله, gloire et pureté à Dieu, والحمد لله, et le fait de dire la louange est à Dieu, ولا إله إلا الله, et le fait de dire il n'y a aucune divinité à part Allah, Wallahu Akbar, et le fait de dire Dieu est très grand, tanfudu al-khataya kama tanfudu ash-shajaratu waraqaha. Ces formules, lorsqu'on les prononce, ils font tomber les péchés comme l'arbre qui fait tomber ses feuilles. Rawahu al-Imam Ahmad wa rijaluhu rijal as-sahih, rapporté par l'Imam Ahmad. Sayyidi, Amir al-Anbiya, maître, émir des prophètes, sallallahu alayka, adada nujoumi sama, que les prières soient pour toi au nom des étoiles du ciel, wa rimal as-sahra, et au nom des sables du désert, wa awladi adam wa hawa, et au nom de la descendance d'Adam et Ève. Amma ba'd, ayyuha al-ikhwat wa al-akhawat fi al-islam, après ceci mes frères, mes sœurs en islam, ahbab al-habib Muhammadin al-Mustafa alayhi afdalu as-salati wa azka as-salam, très cher ou bien-aimé Muhammad al-Mustafa, pour lequel on demande les meilleures prières et les hautes salutations. في الأسبوع القادم يوم عيد الأضحى يعني يوم الجمعة القادم إن شاء الله يبدأ الناس نهارهم بكلمة الله أكبر. La semaine prochaine est exactement le jour de la fête du sacrifice qui coïncidera avec vendredi. Les gens vont débuter leur journée par ce mot الله أكبر. Dieu est très grand. ويبدأ الأئمة خطبهم بكلمة الله أكبر. Et les imams dans les mosquées ce jour-ci vont débuter leur discours, leur prêche par le même mot الله أكبر. Dieu est très grand. وبهذه المناسبة اخترت لكم أن نعيش اليوم مع اسم من أسماء الله الحسنى. Raison pour laquelle, et à cette occasion, je vous ai choisi de vivre, ou j'ai choisi pour nous tous de vivre avec l'un des noms d'excellence de Dieu qui s'appelle وهو الكبير, le très grand, الكبير. لنرى معنى الله أكبر, afin de voir la signification de cette phrase Dieu est très grand. الإنسان بطبعه مجبول على حب ما هو كبير. De nature, l'individu ou la personne a un amour inné pour tout ce qui est grand, pour toute chose qui est grande. فالإنسان يحب ويجل صاحب القوة الكبيرة. L'homme de nature aime et apprécie celui qui possède une grande force ou celui qui jouit d'une grande puissance. مثلا في ميدان الرياضة, par exemple dans le monde des sports. الإنسان يحب ويجل صاحب العلم الكبير. De nature, l'homme aime et apprécie celui qui a une grande science. الإنسان يحب ويجل صاحب النفوذ الكبير. De nature, l'homme aime, apprécie celui qui a un grand pouvoir. يحب ويجل صاحب المال الكبير. L'homme de nature aime et apprécie celui qui a une grande fortune, qui est très riche. يحب ويجل صاحب الجمال الكبير. De nature, l'homme aime et apprécie celui ou celle qui a une grande beauté. وعاد من عنده مال كبير. D'habitude, celui qui a une grande fortune, ou ilm kabir, celui qui a une grande science, un grand savant, ou nufud kabir, ou un grand pouvoir, il a akhiré, etc. هذا الانسان يصبح كبيرا في المجتمع. Cette personne qui jouit d'un grand pouvoir, ou une grande fortune, ou un grand savoir, ou un grand pouvoir, devient un grand, ou un très grand dans la société. إبراهيم عليه السلام استعمل مرتين هذه القاعدة لإقناع قومه. إبراهيم prière et salut sur lui a utilisé cette règle à deux reprises afin de convaincre son peuple pour qu'ils adorent الله تعالى وتبارك. المرة الأولى لما كسر جميع الأصنام إلا كبيرهم. La première fois c'est lorsqu'il a cassé toutes les idoles, toutes les statues, à part la plus grande. فلما سألوه من بعد, lorsqu'on l'a interrogé par la suite, قال لهم في آية قرآنية, sa réponse se trouve dans un verset coranique, قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. Il dit c'est plutôt leur grand que voici qu'il l'a fait, ça veut dire qu'il a cassé les autres, interrogez-les donc s'ils peuvent parler. C'est de l'ironie. والمرة الثانية, la deuxième fois, أنه رأى بالليل كوكبا. Une fois pendant la nuit, il a repéré un astre brillant. قال لقومه هذا ربي. Il a dit à son peuple qui était autour de lui, celui-ci est mon Seigneur. Ça veut dire l'astre. وقومه كانوا يعبدون الكواكب. Son peuple adorait les astres. وإبراهيم كان مؤمنا. Abraham à l'époque où Ibrahim à l'époque prière et sagerie était un croyant. Il connaissait Dieu. Il était croyant en Dieu. وأراد إقناعهم بالحجة. Mais il a cherché à les convaincre par la preuve évidente, par l'argument fort. فلما أفل الكوكب, lorsque l'astre a disparu, قال لا أحب الأفلين. Il dit, je n'aime pas ceux qui disparaissent. Ça veut dire, il ne peut pas être mon Seigneur. يعني هذا لا يمكن أن يكون ربي. ثم رأى القمر. Et par la suite, il a repéré la lune. رأى القمر. قال لهم هذا ربي. Il leur dit, cela est mon Seigneur. Voici mon Seigneur. فلما أفل رفضه كرب. Mais lorsque la lune a disparu, il l'a refusé comme Seigneur. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. الإنسان دائما يحب الأكبر, يريد أن يعبد الأكبر إلى غير ذلك. لما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. Lorsqu'il vit pointer le soleil le matin, il dit, voici mon Seigneur, celui-ci est plus grand. Parce que d'habitude, les gens aiment le plus grand ou adorent ce qui est très grand. فلما أفلت في المساء لما غربت الشمس لما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. يعني أفهمهم أن هذه الكواكب والنجوم لا تليق للعبادة بطريقة ذكية. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. Lorsqu'il disparut, ça veut dire le soleil le soir, il dit aux gens, je suis innocent de ce que vous associez. Ça veut dire toutes ces étoiles et ces astres ne servent pas ou ne méritent pas d'être adorés. Akhi, ukhti, frère, sœur, ismul kabir, dhukira fil Qur'an 5 marrat. Le mot al-kabir, le très grand, a été cité dans le Coran à 5 reprises. Wa unabbih على أن الله تعالى وتبارك له القوة الكبرى. J'attire l'attention sur quelque chose qui est évidente, c'est que Dieu, le Très-Haut, a la plus grande force, a la plus grande puissance. له العلم الكبير. Il a la plus grande science. Il a le plus grand savoir. له الغنى الكبير. Il a la plus grande richesse. لَهُ الْمُلْكُ الْكَبِيرُ. Il a le plus grand royaume, ou il a la plus grande royauté. لَهُ الْقِدَمُ الْكَبِيرُ. Il a la plus grande ancienneté. فَهُوَ الْأَوَّلُ بِلَا بِدَايَةٍ. Il est le premier, son début. فَاللَّهُ الْكَبِيرُ. Donc Dieu est le très grand dans tous les domaines. فَلَا كَبِيرَ إِلَّا اللَّهُ. Il n'y a aucun très grand à part Allah. وَكَأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ لِعِبَادِهِ. Et comme si Dieu disait à ses serviteurs, عَادَةً إِنَّكُمْ مَجْبُولُونَ عَلَى حُبِّ وَإِجْلَالِ الْكَبِيرِ. Il leur dit, mes serviteurs, de nature, vous êtes créés comme ça, de façon à aimer, à apprécier le très grand. فأنا الكبير. Je suis le très grand. فأحبوني. Aimez-moi donc. مرة سئل عثمان بن عفان رضي الله عنه. Une fois, on a interrogé عثمان, fils de عفان, que Dieu soit satisfait de lui, qui était le troisième calife. أأنت أكبر أم رسول الله صلى الله عليه وسلم. Est-ce que tu es le plus grand ou bien c'est le messager de Dieu, prière, يعني, أنت أكبر في السن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم. C'est-à-dire, est-ce que c'est toi le plus grand en termes d'âge, c'est-à-dire tu es le plus âgé, est-ce que c'est toi le plus grand ou bien le messager de Dieu, prière et sagesse. انظروا الأدب. Regardez la politesse. انظروا الاحترام. Regardez le grand respect. أجاب عثمان رضي الله عنه. Othman a dit cette réponse, que Dieu soit satisfait de lui. رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر مني. Le messager de Dieu, prière et sage sur lui, est plus grand que moi. وأنا أقدم منه في الميلاد. Mais moi, je suis né avant lui. حتى لا يقول أنا أكبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم, afin qu'il ne dise pas je suis plus grand que le messager de Dieu, c'est-à-dire en termes d'âge. Il a dit il est plus grand que moi, mais je suis né avant lui. والآن تعالوا نأخذ فكرة عن الكبير. Maintenant mes frères et mes sœurs, venez pour qu'on prenne une idée du très grand. ننظر في مخلوقاته. On va contempler ces créatures, on va observer ces créatures. وسنتبع الطريق الإبراهيمية. Et on va suivre dans notre observation la méthode ibrahimique. نبدأ بالمخلوق الصغير. On commence par la créature petite. ثم نمر إلى الكبير. Et après on passe vers la créature la plus grande. إننا نعيش في كوكب الأرض. Maintenant, on vit sur la planète qui s'appelle la Terre. كرة متحركة. Une boule immense, mobile dans l'espace. متحركة في الفضاء. بسرعة تفوق 100,000 كيلومتر في الساعة. Mobile dans l'espace à une vitesse qui dépasse 100,000 kilomètres par heure. Pas 100 km par heure. Mouche, 100 km fi sa'a. 100,000 km fi sa'a. Pas 100 km à l'heure, comme une voiture sur une autoroute, mais 100,000 km à l'heure. Wa hunaka ash-shams, il y a le soleil, wa hiya an-najm al-qarib minna bi 150 million km. Et il y a le soleil, cette étoile qui est proche de nous de 150 millions de kilomètres. Kura mushta'ila mutaharrika fil fada, une boule immense enflammée mobile dans l'espace bi sur'at 900,000 kilomètres fi sa'a, et qui bouge dans l'espace à la vitesse 900,000 kilomètres. Elle est plus rapide que la Terre à 9 fois. De 9 fois. La Terre, c'est 100,000 kilomètres par heure, et le Soleil se déplace à 900,000 kilomètres par heure. قطرها قطر الشمس, يعني قطرها يتسع أو عرضها يتسع ل109 أرض كأرضنا. Le Soleil, le diamètre du Soleil peut contenir ou est large pour contenir 109 terres comme la nôtre. Le soleil fait dans son diamètre 109 fois le diamètre de la terre. Allahu Akbar. Dieu est très grand. Wa hawla ash-shams yadur 9 kawakib. Et autour du soleil tournent 9 planètes. Min bayni asghariha al-ard, et parmi les plus petites la terre. Le soleil est capable de prendre dans son intérieur les 9 planètes. Le soleil est très très grand. Et l'ensemble compose ou fait le système solaire. Et l'ensemble, toutes les planètes ainsi que le soleil tournent à une grande, grande vitesse. الكل يدور بسرعة فائقة. يعني تخيل نفسك خارج من المجموعة الشمسية لا تستطيع أن تنظر للأرض لأنها تتحرك بسرعة والكل يتحرك بسرعة. أين هي الأرض؟ أين هو المريخ؟ أين؟ الكل يدور بسرعة. تخيل نفسك جبريل آتي للأرض. لا إله إلا الله. Donc si tu sors du système solaire, tu ne peux même pas repérer la Terre de Mars, parce que tout le monde toutes les planètes tournent à grande vitesse, 100 000, 900 000 kilomètres à l'heure, tu vas même pas repérer où se trouve la Terre, où se trouve Mars ou Jupiter. وَكُلُّمْ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَتَبَارَكَ. Et chacun, ça veut dire des astres, vogue dans une orbite, comme l'a dit Dieu dans un verset coranique. وَقُطْرْ الْمَجْمُوعَ الشَّمْسِيَ تَقْرِيبًا مِنْ هُنَا لِهُنَا وَالشَّمْسْ هُنَا وَمِنْ هُنَا لِهُنَا 10 milliards kilomètres. Et le diamètre du système solaire est égal à peu approximativement à 10 milliards de kilomètres. الضوء يقطع هذه المسافة في 10 ساعات. La lumière peut traverser cette distance, le diamètre du système solaire, en 10 heures. يقطع هذه المسافة في 10 ساعات لأن الضوء يتحرك بسرعة مليار كيلومتر في الساعة. Parce que la lumière se déplace à la vitesse immense, 1 milliard de kilomètres par heure. يعني 10 مليار في 10 ساعات, 10 مليار en 10 heures. هل هذا هو السماء؟ Est-ce ça le ciel? C'est ça le ciel? Ce système solaire? Là, non. مجموعتنا الشمسية توجد في مجرة التبانة. Notre système solaire se trouve dans la galaxie qui s'appelle la Voie Lactée. مجرة أكبر وأكبر وأكبر من مجموعتنا الشمسية. Une galaxie qui est très très très grande par rapport à notre petit système solaire qui fait uniquement 10 milliards de kilomètres. يوجد في المجرة 100 مليار شمس. Dans la galaxie dans laquelle on se trouve, la Voie Lactée, il y a à côté de notre soleil, où le tout, il y a 100 milliards soleils. في هذه المجرة se trouve dans cette galaxie. Allahu Akbar. Dieu est très grand. وشمسنا هي أصغر الشموس في هذه المجرة. Et notre soleil est le plus petit parmi les soleils qui se trouvent dans cette galaxie, parmi les 100 milliards de soleils. Le nôtre, notre soleil à nous, il est le plus petit. Allahu Akbar. Dieu est très grand. Mais le dit يقول هذا الشيء, qui dit ces choses-là? علماء العصر الحديث, les savants contemporains, la science moderne, la science des Américains, des Russes, des Français, des Anglais, des Allemands, qui dit ça? خصهم غير يقولوا لا إله إلا الله. Ils doivent seulement dire à côté, il n'y a aucune divinité à part Allah. Ça va venir, inshallah. هذه الشموس تسمى نجوما. Ces soleils, on les appelle des étoiles. لو خرجنا من هذه المجرة, si on sort de notre galaxie, لما استطعنا رؤية الأرض, on serait incapable de repérer la Terre. La Terre n'existe plus. Il faut un microscope pour la voir. Un microscope géant pour voir la Terre. Parce que ça y est, elle devient noyée dans la masse de notre galaxie, la Voie Lactée. Parce que la Terre pour laquelle on se bat, on fait des guerres pour un morceau de Terre, parce que la Terre dans sa totalité est très très très petite dans la galaxie. أما الشمس فنراها كحبة رمل وسط صحراء شاسعة. Mais le soleil, on va le repérer de l'extérieur de notre galaxie, mais comme un grain de sable dans un immense désert. Allahu Akbar. Dieu est très grand. طول المجرة milliard, milliard kilomètres. La longueur de notre galaxie ou la dimension de notre galaxie, son diamètre fait 1 milliard, 2 milliards de kilomètres. Ça veut dire 10 à la puissance 8, à la puissance 18. يقطعها النور في مليار سنة. La lumière peut traverser notre galaxie pendant 1 milliard d'années. Ça veut dire l'homme jamais, il ne peut rêver de traverser la galaxie. L'homme ne peut même jamais sortir de notre système solaire. 10 milliards de kilomètres. Même s'il a un avion qui se déplace à 40 000 kilomètres à l'heure, il ne peut pas. Il lui faut 250 000 années. Tout le monde va mourir pendant le voyage. Allahu Akbar. Dieu est très grand. هل هذا هو السماء? Est-ce que c'est ça le ciel? لا. Non. مجرتنا سكة التبانة، نوتر غالاكسي لا فوا لاكتي تعيش مع مليار مجرة، نوتر غالاكسي في ا كوتي دان مليار دو غالاكسي باغي ا ال مثلها، وكل مجرة فيها 100 مليار نجم، اي شاك غالاكسي بوسيد 100 مليار ديتوال. الله اكبر، Dieu est très grand. من خارج هذه المجرات لا نرى الشمس. Si on sort de toutes ces galaxies, de ce milliard de galaxies, on ne voit même pas notre soleil. Le soleil devient infiniment petit. Il faut un microscope gigantesque pour le repérer. ومجرتنا العملاقة تصبح كالتفاحة في بحر المحيط. Et notre immense, notre galaxie géante devient comme une pomme dans un immense océan. هل هذه هي السماوات السبع؟ Est-ce que c'est cela qu'on appelle les sept cieux؟ لا، non. هذه فقط السماء الدنيا. لا، il y a que le premier ciel, le ciel le plus bas. السماء الأولى. لأنها السماء التي توجد فيها النجوم. Parce que c'est le ciel dans lequel existent les étoiles. قال الله قال الكبير سبحانه وتعالى le très grand le très haut dit dans un verset coranique ولقد نحن الله الكبير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح هذه المصابيح التي ترون في الليل هذه النجوم nous le très grand nous Dieu nous avons effectivement orné le ciel le plus bas avec des lampes ça veut dire avec des étoiles العلم الحديث لا يعرف شيئا عن السماوات الست الأخرى لأنها لا ترى ما فيها مصابيح ما فيها نجوم La science moderne ne sait rien des six autres cieux parce que ces cieux sont invisibles Il n'y a pas d'étoiles Tout le monde est aveuglé السماوات الست لا يعلم عظمتها إلا الكبير Les six autres ciels ne sont connus ou ne connaissent la grandeur et l'immensité des six autres ciels que le très grand. C'est lui seul qui connaît ça. السماء الدنيا بملاييرها المليارة من ملايير الكيلومترات. Le ciel le plus bas avec ses milliards de milliards de milliards de kilomètres. يعني نحن لا شيء أمام هذا الكون. On n'est rien devant cet univers que Dieu a créé, que le très grand a créé. يعني السماء الدنيا, le ciel le plus bas, مخلوق واحد يملأها. Une seule créature de Dieu le remplit. هذا المخلوق اسمه الملك جبريل عليه السلام. Cette créature s'appelle l'archange Gabriel. Prière et saillie sur lui. رآه النبي صلى الله عليه وسلم وله 600 جناح. Le prophète prière et saillie sur lui l'a vu à deux reprises pendant toute sa vie. L'a vu à deux reprises sous sa vraie forme. Donc رآه مرتين في حياته كلها النبي صلى الله عليه وسلم رآ جبريل مرتين على صفته ملك. أما المرات الأخرى كان يأتي على صفة رجل. Les autres fois, l'archange Gabriel venait vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam sous la forme d'un homme. Mais une seule, deux fois où il l'a vu comme un ange, lahu 600 janah, il l'a vu avec 600 ailes. Yasuddu al-ufuq, il fermait, il remplissait l'horizon, de l'horizon à l'horizon. Muttafaqun alayhi, unanimement authentique, al-Bukhari wa Muslim. وفي رواية لمسلم dans une version de مسلم يملا ما بين السماء والارض il occupait tout l'espace qui se trouve entre le ciel et la terre imagine-toi devant l'archange Gabriel انت مخلوق صغير tu es une créature minuscule microscopique devant le macro devant l'archange Gabriel الله اكبر Dieu est très grand عظمت المخلوقات تظهر عظمة الخالق la grandeur des créatures montre, indique la grandeur du créateur مخلوق واحد وهو الجنة عرضها يسع السماوات السبع والأرض une seule créature peut ou sa largeur peut contenir la dimension des sept cieux et la terre et c'est le paradis وهي الجنة عرضها السماوات والأرض ملايين من ملايير الملايير المليارة من الكيلومترات يعني دي مليون دو مليار دو مليار دو مليار دو كيلومتر سي لا لارجور دو باراديس. ما هو طول الجنة؟ كيل لا لونغور دو باراديس سي لا لارجور كيل لا لونغور هذا العرض. فما هو طول الجنة؟ والطول أكبر من العرض. Et la longueur est toujours plus grande que la largeur. طول الجنة لا يعلمه إلا الكبير. Il n'y a que le très grand qui connaît la longueur du paradis. Allahu Akbar. Dieu est très grand. السماوات السبع لا تساوي شيئا أمام الكرسي الإلهي. Les sept cieux, avec leurs milliards, de milliards, de milliards de kilomètres, ne valent rien devant la chaise divine. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. هذا كلام الخالق, هذا كلام الكبير. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Sa chaise a la contenance des cieux et de la terre. C'est le très grand qui parle, qui nous décrit sa grandeur. Seulement sa chaise a la contenance des cieux et de la terre. وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا يعني حفظ هذه السماوات السبع والأرض شيء سهل لله, لا يتعب الله تعالى وتبارك. وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا et leur sauvegarde, ça veut dire des cieux et de la terre, ne lui pèse en rien. C'est une chose facile. Ces sept cieux, ces milliards de milliards d'étoiles, il sait tout ce qui se passe dans les étoiles, dans la terre, dans les cieux, et la sauvegarde est facile pour lui. Allahu Akbar, Dieu est très grand. Wa yakhtim wa huwa al-aliyyul azim wa huwa al-aliyyul kabir, et c'est lui le transcendant et le très grand. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلات إلا كخاتم هكذا مرمي في صحراء. هذه السماوات السبع مرمية في صحراء, والصحراء هو كرسي الله تعالى وتبارك. Le prophète nous donne une image. Il nous dit que les sept cieux par rapport à la chaise divine sont comme un anneau qu'on jette dans un immense désert. وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلات كفضل الصحراء على الحلقة. يعني والكرسي أمام العرش كحلقة كخاتم مرمي في صحراء, والصحراء هي العرش, عرش الله تعالى وتبارك. Et il dit que la chaise c'est comme un anneau qui est dans un désert, ça veut dire le désert c'est le trône de Dieu. La chaise divine par rapport au trône divin, c'est comme un anneau dans un immense désert. Allahu Akbar, Dieu est très grand. Le hadith rawahu al-Bayhaqi, rapporté par l'imam al-Bayhaqi par d'autres. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dieu est très grand, Dieu est très grand, Dieu est très grand. Wa la ilaha illallah, et il n'y a aucune divinité à part Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Dieu est très grand, Dieu est très grand. Wa lillahi alhamd, et que la louange entière soit pour lui. Al-an, ta'alaw nanzur 'azamat al-kabir. Maintenant mes frères et mes sœurs, après cette introduction dans les créatures, dans le monde cosmologique, venez qu'on regarde tous la puissance du très grand. Ortekum talat amtila, trois exemples. Al-awwal, le premier, fi bidayat al-khalq, au début de la création, takallam al-kabir ma' as-samawat as-sab'a wa ma' al-ard. Le très grand a parlé, s'est adressé aux sept cieux, ces milliards de milliards de milliards d'étoiles, etc. تقول الآية الverse dit فقال يعني الله الكبير فقال لها للسماوات وللأرض إيتيا طوعا أو كرها إما تأتوا عندي طوعا أو كرها إما تكونوا مكرهين وإما طواعية قالت يعني السماوات والأرض قالت أتينا طائعين. il lui dit, ça veut dire aux cieux et au ciel et à la terre, il lui dit ainsi qu'à la terre, venez par obéissance ou par contrainte, ça veut dire de gré ou de force. Ils dirent, nous voici par pure obéissance, nous voici soumis. هذه العوالم العملاقة, ces univers immenses, gigantesques, تقول لله لبيك اللهم لبيك, dire à Dieu soumission à toi Seigneur, سوميسيون. ونحن أقل من الأقزام, نحن أقل من الأقزام أمام السماوات. Et nous, on est des minuscules, des microscopiques par rapport aux cieux. ونعصي الله تعالى وتبارك, et on désobéit à Dieu. المثال الثاني, le deuxième exemple, موسى عليه السلام يطلب رؤية الكبير. Moïse, prière et sur lui, a demandé la vision du très grand. Il a demandé au très grand de le voir. يقول له الكبير, le très grand lui dit, إنك لا تستطيع رؤيتي, ô Moïse, tu es incapable de me voir. ولكن انظر إلى الجبل, وانظر ماذا يصير للجبل لما سأتجلى له. Mais plutôt, au lieu de me voir, regarde la montagne. Ça veut dire, regarde ce qui va arriver à la montagne lorsque je vais me manifester à elle. فتجلى الله للجبل بقدر الإصبع. ما بين الله من قوته ومن ربوبيته إلا قدر إصبع للجبل. Et Dieu a manifesté une partie de sa splendeur qui est à la dimension d'un doigt uniquement, qu'il a montré à la montagne. تقول الآية, le verset dit, فجعله دكا, ما بقي جبل, طار الجبل, دك الجبل, فجعله دكا وخر موسى صعقا. موسى ما رأى الله, رأى فقط الجبل وما صار له, فغاب عن الوجود. الله أكبر. Lorsque Dieu s'est manifesté à la montagne, il la nivela avec le sol et Moïse s'effondra, foudroyé. Moïse n'a rien vu, il a vu seulement la montagne qui a disparu, il a perdu conscience. نور الكبير يدك الجبل. La lumière du très grand nivelle, écrase la montagne. كلام الكبير يشق الجبل. La parole du très grand fissure la montagne. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Si nous faisions descendre ce Coran sur une montagne, tu la verrais certainement humblement recueillie et toute fissurée par crainte de Dieu. ذكر الكبير يزلزل الأشياء. L'évocation du très grand fait trembler les choses. مرة مجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله فوق المنبر. Une fois, le messager de Dieu, prière et sagesse sur lui, a glorifié Dieu au-dessus de son minbar. يقول عن الله, il disait à propos de Dieu, أنا الجبار, je suis le tout puissant. أنا المتكبر, je suis le très fier. أنا الملك, je suis le souverain. Je suis le roi. أنا العزيز, je suis le noble. أنا الكريم, je suis le très généreux. فرجف المنبر تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et le minbar a tremblé en dessous des pieds du messager de Dieu. حتى قال الصحابة لا يخرن به, سيسقط من فوق المنبر. Jusqu'au point que les compagnons dirent, il va le faire tomber, c'est-à-dire le minbar va faire tomber le messager de Dieu. Rawahu l'imam muslim wa l'imam ahmad, rapporté par l'imam muslim dans son authentique et par l'imam ahmad. Al-mithal al-thalith, le troisième exemple, unzuru al-kabir yawm al-qiyama, observez le très grand, regardez le très grand le jour de la résurrection. Yaqulu al-kabir fi ayatin quraniyah, le très grand dit dans un verset coranique, wa ma qadaru Allah haqqa qadrihi. ما قدروش الله حق القدر اللي خص يكون عنده. واش هذا الكبير وما تقدروش انتم هاد الصغار هادو. وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات, هذه الملايير المليارة التي تخيفكم ما تقدروا تكملوها في حياتكم, والسماوات مطويات بيمينه, طواها الله, مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. Ils n'ont pas apprécié Dieu à sa juste valeur. Alors que la terre entière est dans sa poignée, le jour de la résurrection, et que les cieux sont enroulés dans sa main droite, ces cieux qui font des milliards de milliards, et que vous pouvez jamais quitter, seront enroulés dans sa main droite, gloire et pureté à lui qui est bien au-dessus des associés qu'il lui donne. قال النبي صلى الله عليه وسلم, le prophète prière et sur lui dit, يقبض الله الأرض يوم القيامة. Dieu le Très-Haut va saisir, va prendre la terre le jour de la résurrection. ويطوي السماء بيمينه. Et il va enrouler le ciel avec sa main droite. ثم يقول, et après il va dire, أنا الملك. Je suis le souverain. Je suis le roi. Aïna mulukul ard. Où sont-ils les souverains de la terre? Où sont-ils les rois de la terre? Où sont-ils les présidents de la terre? Muttafaqun alayhi. Unanimement authentique. Al-Bukhari wa Muslim. Akhi ukhti. Frère, sœur. Yawm al-qiyama. Le jour de la résurrection. Sataqif anta amam al-kabir. Toi le petit, le minuscule, tu vas t'arrêter devant le très grand. قال صلى الله عليه وسلم, prière et sur lui, il dit, ما منكم من رجل إلا سيكلمه ربه يوم القيامة. Chacun de vous, son Seigneur, va lui parler le jour de la résurrection. ليس بينه وبينه ترجمان. Et il n'y a pas entre lui, c'est-à-dire entre Dieu et la personne, un traducteur. فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمْ. Et il va voir à sa droite, ça veut dire l'homme ou la femme, et il ne trouvera que ce qu'il a fait, ce qu'il a avancé. ثُمَّ يَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمْ. Et par la suite, il va voir à sa gauche, et il ne trouvera que ce qu'il a fait, ce qu'il a avancé. ثُمَّ يَنْظُرُ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ فَتَسْتَقْبِلُهُ النَّارُ. Et après, il va voir en face de lui, ça veut dire devant lui, et c'est l'enfer qui l'accueillera. قبل الجنة توجد النار. يجب أن تمر على الصراط. Avant le paradis se trouve d'abord l'enfer. Tu dois passer sur le sirat. Tu vas voir devant toi l'enfer. يقول النبي, le prophète dit, من استطاع منكم أن يقي وجهه حر النار ولو بشق تمرة. Celui parmi vous qui peut préserver ou protéger sa face ou son visage des flammes de l'enfer, même avec la moitié d'une date, qu'il le fasse. C'est-à-dire qu'il donne la moitié d'une date comme aumône. Rawahu al-Tirmidhi wa Ibn Majah. Rapporté par l'imam al-Tirmidhi et Ibn Majah. Wa fil akhir, usikum wa nafsi bi taqwa Allah. À la fin, je vous recommande et à moi-même la piété de Dieu. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى رأسهم سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وعلى كل من لسنته اتبع واقتفى. أما بعد, عباد الله, الله تعالى وتبارك من كل أسمائه وصفاته اختار لنا كلمة الله أكبر. Dieu le Très-Haut, à partir de tous ses noms et tous ses attributs, il nous a choisi cette phrase, Dieu est très grand. فَجَعَلَهَا مِفْتَاحًا إِلَى الْأَذَانِ لِلْأَذَانِ. Et il a fait de cette phrase une clé pour l'appel à la prière au-dessus des minarets. خَمْسْ مَرَّاتْ فِي الْيَوْمِ. Cinq fois par jour. وَأَرْبَعْ مَرَّاتْ فِي كُلِّ أَذَانِ. Et quatre fois par appel. عِشْرُونَ مَرَّةً فِي الْيَوْمِ. Vingt fois par jour. الله أكبر تمزق سكون السماء. Dieu est très grand, déchire le silence du ciel. واختار الله كلمة الله أكبر مفتاحا للصلاة. Et Dieu a choisi الله أكبر comme une clé pour la prière. وخلال كل حركات الصلاة نقول الله أكبر. من حركة لحركة نقول الله أكبر. Dieu a choisi comme clé de prière Allahu Akbar, et pendant tous les mouvements de la prière, d'un mouvement à un autre, on dit Allahu Akbar. Dieu est très grand. Hatta yatadhakkar al-muslim, afin que le musulman se rappelle, annahu as-saghir jiddan waqif fi as-salah amam al-kabir jiddan, afin que le musulman se rappelle qu'il est le tout petit qui est debout dans la prière devant le très grand. Ma'al asaf naqulu Allahu Akbar مفروغة من معناها. Malheureusement, on dit Allahu Akbar, mais vidée de son contenu. لأننا نقولها باللسان parce qu'on la prononce avec la langue ولا نحس معناها بالقلب mais on ne ressent pas sa signification par le cœur. نحن في الصلاة أمام الكبير, dans la prière on est devant le très grand. وقلوبنا مع الأمور الصغيرة والحقيرة, mais nos cœurs ne sont pas avec le très grand dans la prière. Nos cœurs sont avec les choses minables, avec les choses petites. مع أمور الدنيا وشهواتها, nos cœurs se trouvent avec les choses de la vie ici-bas et ses désirs. وننسى أننا أمام الكبير الذي ندك الجبل أمامه, et on oublie qu'on est face au très grand devant lequel la montagne s'est écrasée. إننا نقول الله أكبر في الصلاة أكثر من 120 مرة في اليوم. On prononce الله أكبر plus que 120 fois dans la prière par jour. ونقول الله أكبر أكثر من 44 ألفا من المرات في السنة. Et on dit nous les musulmans الله أكبر plus que 44,000 fois par année. ولكن الذي يكذب كأنه ما قال الله أكبر. Mais celui qui ment dans la vie de tous les jours, c'est comme s'il n'a jamais dit Allahu Akbar. الذي يخاف الناس فيترك أوامر الله خوفا منهم, celui qui craint les gens, celui qui a peur des gens et renonce aux ordres de Dieu, aux obligations de Dieu par crainte aux gens, c'est comme s'il n'a jamais dit Allahu Akbar. كأنه لم يقل الله أكبر. كاذب لما يقول الله أكبر. Celui qui fait ces choses ou autres, les interdits, c'est un menteur lorsqu'il dit Allahu Akbar. يقولوا بلسانه الله أكبر ويقولوا بفعله الله أصغر. Il dit avec sa bouche Dieu est très grand, mais avec ses actes il dit Dieu est très petit. الذي يذل نفسه أمام الناس, celui qui se rabaisse devant les petits, devant les gens, كأنه ما قال الله أكبر, comme s'il n'a jamais dit Allahu Akbar. أخي أختي, frère, sœur, الكبير هو ربك, le très grand est ton Seigneur. كن عبدا له, sois serviteur pour lui. الكبير خلقك وأحبك, le très grand t'a créé, il t'a aimé. هنيئا لك, الكبير هو ربك. Donc félicitations à toi parce que le très grand est ton Seigneur. أمام أي مشكل كبير, devant tout problème grand ou devant tout grand problème, la taqul ya rab indi mushkil kabir, ne dis surtout pas au Seigneur j'ai un très grand problème, walakin qul ya mushkil indi rabbun kabir, mais plutôt dis au problème j'ai un grand Seigneur. La kabira illa Allah, nul très grand à part Allah. Allahu akbar, Dieu est très grand. Wa la ilaha illa Allah, et il n'y a aucune divinité à part Allah. Akhi ukhti, frère, sœur, indaka qalbun saghir, t'as un petit cœur, muhayya lihtiwa akbar hub ou hub kabir, qui est préparé pour contenir un très grand amour. حب الكبير, l'amour du très grand. إياك أن تملأه بحب الأشياء الصغيرة الحقيرة. Méfie-toi mon frère, ne remplis pas ton cœur par l'amour des petites choses, par les choses minables, المال, l'argent, النساء, les femmes, إلى آخره, etc. املأ قلبك بحب الكبير, remplis ton cœur par l'amour du très grand. أخي أختي, تريد أن تكون كبيرا عند الله, frère ou sœur, cherches-tu à être très grand auprès de Dieu? فانظر هل الله عندك كبير في قلبك في حياتك. Regarde, est-ce que Dieu est très grand dans ton cœur, dans ta vie? والآن مع الجانب التطبيقي لاسم الكبير, maintenant on passe vers le côté pratique du nom divin, le très grand. أولا, premièrement, حاول أن تكون كبيرا في الدنيا وفي الآخرة. Essaye mon frère ou ma sœur d'être très grand dans la vie ici-bas et dans l'au-delà. تعلم العلم وعلمه, apprends la science et enseigne-la. استغني بالحلال, كن غنيا, استغني بالحلال وتصدق, enrichis-toi, sois riche par le halal et fais l'aumône. اليد العليا خير من اليد السفلى, la main supérieure est meilleure que la main inférieure. كن صاحبا للكبار في الدين, حتى تصير كبيرا مثلهم. Sois un ami des grands de la religion afin que tu sois grand comme eux. لا تكن صاحبا لأصحاب الذنوب كي لا تصبح صغيرا مثلهم. Ne sois pas l'ami des pécheurs pour que tu ne sois pas petit comme eux. ثانيا, deuxièmement, لا تنسى أن الكبير يراك. N'oublie pas que le très grand t'observe, te voit. لا تنسى أن الكبير يحبك. N'oublie jamais que le très grand t'aime. حاول أن تبقى كبيرا أمامه. Essaye de rester très grand devant lui. لا تسقط. Ne chute pas. ثالثا وأخيرا, troisièmement et dernièrement, لا تعبد إلا الكبير. N'adore que le très grand. لا تسجد إلا للكبير. Ne te prosterne que devant le très grand. لا تركع إلا للكبير. Ne t'incline jamais que devant le très grand. لا تخف إلا من الكبير. Ne crains que le très grand. لا تذل نفسك إلا أمام الكبير. Ne te rabaisse que devant le très grand. إياك أن تغضب الكبير. Méfie-toi. Ne fâche pas le très grand. وكلما رأيت كبيرا من المخلوقات, et à chaque reprise que tu observes un grand parmi les créatures, لا تصبح مشركا, ne deviens pas associateur, ne compte pas comme très grand avec Dieu. قل في نفسك الله أكبر. Dis intérieurement, Dieu est très grand. وفي الأخير, لا تنسوا صيام عرفة. À la fin, mes frères et mes sœurs, n'oubliez pas de jeûner le jour de Arafah, qui est le 9e jour de ce mois. وهو اليوم التاسع من هذا الشهر شهر ذي الحجة يكون إن شاء الله يوم الخميس القادم qui aura lieu ou qui coïncidera avec jeudi prochain le 26 novembre. فإنه يكفر ذنوب سنتين, parce que le jeûne de ce jour efface les péchés de 2 ans, الماضية والباقية, l'année passée, l'année à venir. رواه مسلم وغيره, rapporté par l'imam مسلم et par d'autres. إننا في أفضل الأيام العشرة الأولى من ذي الحجة. On est maintenant, mes frères et mes sœurs, dans les meilleurs jours du mois de الحجة, du pèlerinage. ومن بين أفضل الأعمال في هذه الأيام الصدقة. Et parmi les meilleures actions pendant ces jours, c'est l'aumône. وإننا في يوم الجمعة الأولى من ذي الحجة. Et on est aujourd'hui le premier vendredi du mois du pèlerinage. وسنجمع اليوم لمسجدنا الجميل والكبير. Et on va faire une collecte aujourd'hui pour notre belle et grande mosquée. فاتقوا النار بمال صدقتكم. Protégez-vous contre l'enfer avec l'argent de votre aumône. ولا تنسوا أن العيد يكون إن شاء الله الجمعة القادم. N'oubliez pas que la fête du sacrifice aura lieu vendredi prochain. وصلاة العيد هنا ستكون على الساعة التاسعة صباحا. La prière de la fête aura lieu ici dans cette mosquée à 9h du matin. من استطاع أن يذبح أن يضحي فليفعل. Celui qui est capable de sacrifier, qu'il le fasse. ومن عنده صعوبات, celui qui a des difficultés, فليبعث بالمال إلى دولة أخرى أو يعطيه للمنظمات فلسطين أو للإغاثة الإسلامية. Celui qui a des difficultés pour sacrifier ici en France, qu'il envoie l'argent vers un autre pays musulman et il aura le double salaire, qu'il le donne à des associations qui viennent au secours de la Palestine comme la CBSP ou bien au secours islamique. ويتقبل الله من الجميع. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. اللهم إني داع فأمنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ألف على الخير قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور واجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب يا كبير, اجعل نفسك كبيرا في قلوبنا. يا رب اجعلنا نرى كل الأشياء صغيرة ونراك كبيرا. يا رب ساعدنا على أن نراك كبيرا. يا رب ساعدنا على أن نعطيك أكبر حب في قلوبنا. يا رب اجعلنا لا نحب غيرك أكثر منك. يا رب املأ قلوبنا بحبك وحب نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم